Psaume 104. Mon âme, bénis l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de majesté et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement, il étend les cieux comme un voile. Il planchéit ses hautes chambres entre les eaux, il fait des grosses nuées son chariot, il se promène sur les ailes du vent. Il fait des vents ses anges, et du feu brûlant ses serviteurs. Il a fondé la terre sur ses bases, tellement qu'elle ne sera point ébranlée à perpétuité. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes. Elles s'enfuirent à ta menace, et se mirent promptement en fuite au son de ton tonnerre. Les montagnes s'élevèrent, et les vallées s'abaissèrent, au même lieu que tu leur avais établi. Tu leur as mis une borne qu'elles ne passeront point, elles ne retourneront plus à couvrir la terre. C'est lui qui conduit les fontaines par les vallées, tellement qu'elles se promènent entre les monts. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages en étanchent leur soif. Les oiseaux des cieux se tiennent auprès d'elles, et font résonner leur voix d'entre l'aramée. Il abreuve les montagnes de ses chambres hautes, et la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer le foin pour le bétail, et l'herbe pour le service de l'homme, faisant sortir le pain de la terre. Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant reluire son visage avec l'huile, et soutenant le cœur de l'homme avec le pain. Les hauts arbres en sont rassasiés, et les cèdres du Liban, qu'il a plantés, afin que les oiseaux y fassent leur nid. Quant à la cigogne, les sapins sont sa demeure. Les hautes montagnes sont pour les chamois, et les rochers sont la retraite des lapins. Il a fait la lune pour les saisons, et le soleil connaît son coucher. Tu amènes les ténèbres, et la nuit vient, durant laquelle toutes les bêtes de la forêt rôdent. Les lions se rugissent après la proie, et pour demander au Dieu fort leur pâture. Le soleil se lève-t-il, ils se retirent et demeurent gisant en leur tanière. Alors l'homme sort à son ouvrage et à son travail, jusqu'au soir. Ô Éternel, que tes œuvres sont en grand nombre, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est pleine de tes richesses. Et cette mer grande et spacieuse, où il y a sans nombre des animaux se mouvant, des petites bêtes avec des grandes. Là se promènent les navires, et ce Léviathan que tu as formé pour s'y ébattre. Elles s'attendent toutes à toi, afin que tu leur donnes la pâture en leur temps. Quand tu la leur donnes, elles la recueillent, et quand tu ouvres ta main, elles sont rassasiées de bien. Caches-tu ta face, elles sont troublées, retires-tu leur souffle, elles défaillent, et retournent en leur poudre. Mais si tu renvoies ton esprit, elles sont créées, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel soit à toujours, que l'Éternel se réjouisse en ses œuvres. Il jette sa vue sur la terre, et elle en tremble, il touche les montagnes, et elles en fument. Je chanterai à l'Éternel durant ma vie, je psalmodierai à mon Dieu pendant que j'existerai. Ma méditation lui sera agréable, et je me réjouirai en l'Éternel. Que les pécheurs soient consumés de dessus la terre, et qu'il n'y ait plus de méchants. Mon âme, bénis l'Éternel. Louez l'Éternel.